أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmed al-Maghribi, hafidhahullahu ta'ala, cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في هذه الدروس أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي ونعمل فيه ولله الحمد مع الإخوان دروس في الطهارة الوضوء الغسل ونعمل فيه كذلك التيمم المس على الخفين ونعمل فيه إذا يسر الله سبحانه وتعالى بوقت ونعمل يتجي أحكام الحيض والنفاس ونعمل شوازي ست رسالة من الملخص الفقهي لأنها لسهلة pour المبتدي pour les débutants elle est tamam تعلمون أن هذا الباب باب الحيض والنفاس c'est un باب حقيقة il y a des choses تحتاج إلى تركيز تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى فهم لهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه قال أنه سنين فيما أذكر 9 سنوات 9 ans وهو يدرس في هذا الباب باب الحيض والنفاس حتى أتقنه استفاد وأفاد بعد ذلك رحمة الله عليه هذا الباب المهم باب الحيض والنفاس نحن إن شاء الله ونسي غادو ديتاي سيغت المسائل avec des autres كتب خاصة كتاب فتح العلام لأخينا الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله كذلك توضيح الأحكام للشيخ البسام رحمة الله عليه هذا الباب المهم الحيض والنفاس مهم جدا لأن سيدي أحكام الحقيقة متعلقة بالطهارة دونك بالصلاة فدون ديكا المرأة elle pourra pas faire الصلاة dans certains cas كذلك il va avoir des مسائل par rapport au حج il va avoir des مسائل par rapport au الصيام c'est un باب مهم جدا ولا يلتفت إلى قول الضلال من الخوارج من الحزبيين من الإخوان المفلسين أنهم يطعنون في علماء السنة en les accusant d'être des ulama haïd wa nifas. لماذا لأن العلماء يدون du temps هذا. فهم يبخطون أنهم علماء حيض ونفاس. هاي يكونس pas le واقع, ils savent pas ce qui se passe dans la umma et ils sont toujours في الحيض ونفاس. أولا سيدي كذب لأن علماء السنة من أفقه الناس بالواقع. كذلك أن هذا الباب إلى مهم. شكا في الحقيقة إلي concerné. إما الأخ إلى مغي إما إلى une mère, إما إلى une sœur, إما إلى une fille, إما إلى une tante, إما Même une واحد, il a des femmes dans son entourage. Et elles sont concernées par هذا. Elles sont concernées. Est-ce qu'elles font salat? Est-ce qu'elles font pas salat? Comment elles font si la période de l'haïd, elle dure? Il a arrêté. Et chaque livre de fiqh, il traite ce sujet, ce bain. Ben, les livres de hadith, que Kitab al-Bukhari, Sahih, Sahih Muslim, Al-Sunan, ils ont d'aïman ce bain fait tahara, al-haïd ou al-nifas. Inch'Allah, nabda al-qira'a, wa nu'alliq بما نستطيع ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والتسديد أما شيخ الفوزان فمعروف عند الجميع حفظه الله تعالى قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى باب في أحكام الحيض والنفاس ce chapitre il a divisé en deux première partie الحيض وأحكامه et deuxième partie النفاس وأحكامه فنحن نبدأ بالحيض ثم بالنفاس. أما traduire, on traduira pas نحن دائما. On va expliquer الحيض ما معناه. Il traduit par les menstrues معروف أو les règles. لكن نحن on va lire le تعريف تعريف الحيض et on va expliquer c'est quoi الحيض. Tout le monde emploiera ce mot. On dira pas les règles, les menstrues. Là, on dira الحيض لأن بإذن الله avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan, le kalam va être واضح. النفاس le sang qui sort après الولادة, après l'accouchement. Il sort de la femme après l'accouchement. هذا النفاس. نحن نقول حيض حيض ونفاس نفاس. قال حفظه الله أولا الحيض وأحكامه. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض. المحيض من أسماء الحيض. قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إلى ديبوتي الشيخ صالح الفوزان par ce verset من سورة البقرة. إن شاء الله الأحكام اللي بيندرون نحن الآن نقرأ فقط. أما توسي أحكام بغبغ الآية إن شاء الله ستأتي معنا. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية هي أحكام عظيمة تستفيد من هذا أن celui qui veut des détails, celui qui veut faire des recherches في الحيض فإذا base sur ce verset كتب التفاسير تفسير ابن كثير وغيره يست دي مسائل عظيمة في هذا الباب. Et ça montre كذلك l'importance du sujet الحيض لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك. Ça montre que les Sahaba ils demandaient. Sahabiyat, elles demandaient. هذا à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils donnaient de l'importance à ce sujet. فليهذا ceux qui donnent pas d'importance بل qui se moquent أو يطعنون في علماء السنة لأنهم ils donnent de l'importance à ce sujet, c'est des dollars. C'est des dollars. Comme il démontre ce verset, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. C'est une mas'ala azima, muhim. Awwalan, on fait un tambih, la femme qui a l'haïd, yuqal laha ha'id. On ne cite pas le ta' marbouta. On ne dit pas ha'idha, hamila. Hada, c'est afsah. Ha'id wa hamil. Limada? Lianna, ça c'est une chose qui est que pour les femmes. Tu n'as pas besoin de ta' ta'nith. Mafhoum, al-rajul, il n'est pas concerné par ça. Tu n'as pas besoin de différencier avec ta' تأنيث المؤنث. نبه عن هذا الشيخ البسام رحمة الله عليه قال والتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر والمؤنث. مثلا مسلم مسلمة مؤمن مؤمنة هي تفرقة بكتاء التأنيث. لماذا؟ لأن الإسلام سي مشترك entre les hommes et les femmes والإيمان entre les hommes et les femmes. Tu dis مؤمن مؤمنة. أما الحائض t'as pas besoin de هذا. Il n'y a que les femmes qui sont concernées. Enfin, tu ne dis pas ha'idha ou hamila. Tu dis ha'id, hamil. Bidoun al-ta. Qala, walakin al-awsaf al-khassa bin-nisa. On a donné deux exemples. Al-hayd ou al-ham. C'est khas pour les femmes. Qala, la talhaquha illa sama'an, fala yuqal ha'idha. Qala, la yuqal ha'idha, bal yuqal ha'id. Intaha. Hadi, c'est une fa'ida dans la langue. Anna, on dit ha'id. Et on dit hamil. C'est afsah. Qala, الشيخ الفوزان والحيض هو دم طبيعي وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. هذا تعريف الحيض. دم طبيعي ça concerne les femmes عموما. يخرج من قعر الرحم ça montre l'endroit. من قعر الرحم يتخدوز الرحم par l'utérus. قال في أوقات معلومة à des moments précis. فربما il y a des décalages, إما retardement, إما avancement. Tout ça, on étudiera بإذن الله عز وجل. أهم شيء الآن, c'est un دم sang, طبيعي, naturel. Donc c'est pas un marad. Ça concerne toutes les femmes. قال يخرج من قعر الرحيم. Ça montre المكان. في أوقات معلومة, un temps bien précis. Ce qu'on appelle الدورة الشهرية. C'est un cycle. قال خلقه الله لحكمة غداء الولد إلى آخره. الآن إذا سيت حفظه الله تعالى الحكمة. قبل ذلك avant de citer cette حكمة تعلمون أن الإسلام c'est دين الرحمة كما قال عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن هذا الدين يسر. في هذا الباب باب الحيض والنفاس الكفار ils ont un ظلم عجيب مع المرأة خاصة اليهود. Eux qui prétendent أنهم أو ils prétendent دائما appeler au droit de la femme à la liberté tout ce qu'elle a à faire par rapport à la haïd, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé annahum ils ont une mu'amala sayyi'a jiddan ma'a an-nisa. Amma l'islam la. L'islam c'est din ar-rahma. La femme qui a ses règles, qui a le haïd, c'est un din tabi'i. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu. Li hikma, on va voir al-hikma. Lakin awwalan on démontre anna din al-islam c'est din ar-rahma, din al-wasat. Il a donné son haq à la femme même en étant en état de règles. Amma al-yahoud qatalahum Allah, quand la femme elle est en état de haïd, et ils la considèrent anna elle est najisa. Fala ahad yaqrubha, elle mange toute seule, elle est dans un endroit toute seule. Na'oudou billah mina al-ghulu. Le Cheikh al-Bassam rahmatullah alayhi, il a cité cette mas'ala. Qal muqaranatun bayna al-adyan al-thalath. Ça c'est une mas'ala tayyiba. Il va comparer les trois adyan, ayl yahoudiya wa nasraniya wa l'islam din al-haq, dans cette mas'ala al-hayd. Vous allez voir qu'il y a deux extrêmes et un juste milieu. Le premier extrême, al-yahoud. Qala al-yahoud yarawna al-mar'a al-ha'id rijsan najisan. Pour eux, al-mar'a, dans ce cas, quand elle est en état de hayd, elle est najisa. Et vous savez le comportement qu'on doit avoir avec les choses najis. Tu ne dois pas approcher, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas... Hada, c'est du ghulul. قال فيعزلونها ويعتزلونها. Elle est isolée dans un endroit et il l'approche pas. هذا في شدة وعنف وظل حيض أو الدورة. Et la période, le cycle هذا que la femme elle est en état de حيض, ça peut durer une semaine, ça peut durer 8 jours, 9 jours, 10 jours أو أكثر أو أقل. فما بالك الآن pendant ربما 10 jours par mois أو une semaine par mois elle est seule, elle est isolée. هذا c'est un ظلم كبير. قال الشيخ فبدنها نجس أي عند اليهود وثيابها نجسة وفرشها نجسة حتى il n'approche pas, il dort plus avec elle, il mange pas avec elle. قال فقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها أي ils mangent pas معها. قال ولم يجامعوها في البيوت يعتزلونها أي إلا مت على كار إلا زل ولا يجامعوها يختلف معها في البيت إلى آخره. أما الجماع حرام معروف حتى في دين الإسلام. لم يجامعوها في البيوت أي السمنوش بلو ألي إزولي تماما. هذا دين اليهود في الحيض سدي ظلمة dans cette مسألة et autres ils ont du غلو ils ont du تشدد et ils se sont égarés. قاتلهم الله. أما النصارى قال فلديهم التساهل والتفريط. ليسوا معروف بهذا النصارى. اليهود يسوا معروف بالغلو والتشدد. النصارى يسوا معروف بالتساهل والتفريط. ليسوا كذلك جغلو. اليهود يسوا التساهل في كثير من الأمور. قال فإنهم يستحلون جماعها في فرجها على ما فيه من الأذى والدنس. سيكون دي بهائم. قال وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان الجماع في الحيض ومفاسده. أنه الجماع سي حرام قلت لفهم أنه نتضحي. هؤلاء الضلال الكفرة لا يبالون ولو أنه نتضحي يجامعها في فردها. قال أما الإسلام فهو الوسط بين الغلو والجفاء دين الحق. قال ودين العدل في الأمور كلها. فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط. نعم ستندغوا فقط تعتزل هذا المكان الفرج فهذا هو المحرم. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي هذا المكان الفرج الجماع أي أبغض غلاسيون. أما الأكل والكلام بل يتمتع بها كما سيأتي في غير الفرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء في صحيح مسلم اصنعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح ساغستفان تتمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نكاح أي الجماع إدخال الفرد أو الذكر في فرج المرأة هذا المحرم. أما غير ذلك سمباح. قولي لي هذا بمونتخي أن هذا الدين سين رحمة. هذا الكلام من توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه. صون شرحي طيب جدا توضيح الأحكام لمعروف. قال الشيخ البوزان حفظه الله وغضي الحكمة. الآن نسي كو Banat Adam, en général, les femmes, elles sont concernées par hada, al-hayd. Et ces règles, Allah subhanahu wa ta'ala ta'alamoun annahu c'est le hakim, azza wa jal. Min sifatihi l'hikma. Fama khalaq Allah subhanahu wa ta'ala shay, wama yakhluq min shay, illa l'hikma. Léannahu c'est le hakim. والحكمة قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة أي لنا on peut connaître الحكمة et on peut ne pas la connaître على كل حال أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكمة لأنه ذو الحكيم هذا الحيض الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة يعني حكمة قال الشيخ البوزان خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه هذا الدم la femme quand elle tombe enceinte يستفيد منه الولد فلهذا la femme enceinte en général elle n'a pas de règles لأن هذا الدم c'est la nutrition du walad ou ça fait partie de la nutrition de ce walad فلهذا الحامل في الغالب في الغالب لا تحيض لأن الدم c'est l'enfant qu'on profite quand elle n'est pas حامل الدم يصح قال خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء il est dans le ventre de sa mère il a besoin الغذاء c'est la nutrition قال إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها المرأة elle a une nutrition pour elle elle mange elle boit فلا où il n'y aurait pas ce sans un et l'enfant il va prendre من دم المرأة أو من غذاء المرأة فالمرأة تضعف فلهذا ce sang زائد que l'homme il n'a pas que la femme elle a c'est utile pour l'enfant لما تحمل المرأة قال فجعل الله له هذا الغذاء لذلك قل أن تحيض الحامل c'est pour ça que quand la femme elle est enceinte en général elle n'a pas de règle elle n'a pas de حيض il n'y a pas de sang qui coule les madames il y a ce sang qui sort normalement l'enfant il en profite ça devient un غذاء للولد قال فإذا ولدت قلبه الله أي قلب الله سبحانه وتعالى هذا الدم لبنا يدر من تديها si elle accouche ce sang il se transforme en laban ce sang il devient ça devient du laban et la femme elle allait de son enfant الغذاء quand il est dans le ventre de sa mère c'est du sang il profite quand elle accouche ce sang ça devient du laban فلهذا المرضع la femme qui allait c'est rare qu'elle a le حيض le sang il sort plus le sang il est transformé en laban قال فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من تديها ليتغدى به ولدها ولذلك قل أن تحيض المرضع في الغالب أنهم لا حيض انتبهوا لي أو تنبهتم لقول الشيخ الفوزان المرضع إلى بدي المرضعة نحن أحيانا نخطئ دي المرضعة أفصح المرضع لأن الأنفان اللوم إلى لطبع كذلك صفة خاصة بالمرأة قال فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له صحيح quand la femme الآن elle a accouché elle a fini d'allaiter son enfant ce sang الآن il n'y a plus de raison que ça devient la nutrition pour l'enfant ou il est transformé en label là خلاص elle reprend les règles elle حائض le sang il coule la femme qui n'est pas enceinte et qui n'allaite pas maintenant avant tombe enceinte elle a le حائض هذا c'est ça le حكمة فإذا خلت المرأة من حمل ورضع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام وقد يزيد عن ذلك أو يقل ça c'est le cycle en général ستة أيام أو سبعة أو ثمانية en dessous de 10 jours autour de 10 jours دائما قد يزيد قد ينقص لكن في الغالب c'est هذا قال ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع فالآن دو مسألة أولي Et on essaye de détailler Qalim. Al-Hamil ou Al-Murdi', est-ce qu'elles ont Al-Hay? Et la période. Est-ce que c'est 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours? Est-ce que ça peut être plus, moins? Naqra min Maskul Khitam, Sharh, Umdat al-Ahkam, Lil-Akh, Al-Sheikh, Zaid, Al-Wasabi, Waffaqahu Allah Ta'ala li kulli khayr. Il a cité cette masala fi Sharhi al-Umdat al-Ahkam. C'est un Sharh tayyib, nafi'. Bi muqaddimat Sheikhina Yahya, Hafidhahu Allah. قال حفظه الله هل الحامل تحيض page 253 est-ce que la femme enceinte elle peut avoir الحيض العلماء ils ont deux قول في هذا le premier قول أنها لا تحيض premier قول أن المرأة الحامل لا تحيض elle n'a pas de règle قال وما تراه من الدم لأن قد يقول قائل même ceux qui disent que المرأة لا تحيض لا شك أنهم ils savent très bien que la femme même si elle est enceinte أحيانا il y a un écoulement de sang عندهم سباء الحيض سانوت خصو قال لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد أن la femme il y a plusieurs sang qui peut couler du من فرج المرأة il peut avoir دم الحيض il peut avoir دم فساد il peut avoir دم من عرق المستحاضة comme on l'appelle donc القول الأول لا تحيض وما تراه من الدم si un écoulement de sang c'est pas du حيض cette مسألة est مهمة الآن لماذا لأن le qawl awwal il dit c'est pas le hayd, le qawl thani il dit c'est le hayd. Ça va impliquer des choses muhimma, anna al mar'a, le premier qawl, même si un écoulement de sang, elle est enceinte, elle fait salat. Elle nettoie le sang et elle fait salat. Amma al qawl thani il hayd, indahum, elle fait pas salat, elle fait pas siyam. Ah, al khilaf là, il est muhim. Qal wa huwa qawl jumhur ahl al ilm. Donc, la majorité des savants, ils disent que al mar'a, al hamil la tahir. Elle a pas ses règles. S'il y a du sang qui coule, c'est un sang de fasad. Damu fasad. قال دليلهم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجه الشاهد من الآية أن المرأة سعدة لحامل الوضع أي سلاكوشمون. Si elle aurait été en état, elle aurait pu avoir les règles, enfin elle aurait le même حكم que la femme qui a les règles. أي سعدة, ça serait trois cycles de règles. مفهوم. قال فدل هذا على أن الحامل لا تحيض إذ لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض. لأن la femme qui est pas enceinte, qui est en état normal, si elle est divorcée maintenant ou son mari meurt, elle a une période. Elle ne peut pas se remarier, il elle doit attendre cette période. Trois cycles, elle doit attendre. Elle a ses règles, tathor, elle a ses règles, tathor, elle a ses règles, tathor. Après la troisième, le troisième cycle, maintenant elle peut se remarier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité un hukm pour le hamil. Si elle est enceinte, sa idda elle finit si elle accouche. Fa'ba'd al-ulama, ils ont fait la différence. Ils ont montré que si sa idda c'est l'accouchement, ça montre qu'elle ne peut pas avoir de règles. Si elle aurait les règles, elle aurait le même hukm que la femme qui a les règles. Hada, en haqiqa, c'est pas wadih. On peut dire qu'elle a ses règles, mais si elle est enceinte, elle a un hukm khas, que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran, anna sa'idda finit avec le wad, avec l'accouchement. Et c'est ce qui répondront le qawl al-thani. Qala, wa hadhihi 'iddat al-mutallaqa. Na'am, talat hiyad. Na'am, nahnouna, rubbama on a dit si son mari meurt kadhalik, lakin il y a une différence entre 'iddat al-mutallaqa wa 'iddat al-mutawaffa anha zawjuha. Qala, wa aydan hadith ibn Umar رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دونك ابن عمر il a divorcé, il a طلق sa femme. Son père عمر بن الخطاب il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم لأن عمر أو ابن عمر عبد الله بن عمر il a طلق sa femme et elle était en état de حيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. Ça, ça montre أن الطلاق, alors que la femme elle est en période de hayd, c'est ce qu'ils appellent ulama al-talaq al-bid'i. Al-mashru' wa sunnah, c'est que si l'homme il divorce, il la divorce en état de, elle n'a plus ses règles. Elle n'a plus en état de hayd. Elle est tahir. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا. وجه الشاهد من الحديث الان ان النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ان divorcer sa femme en état de règle, c'est pas min al-sunnah. Un Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré tu la divorces s'il y a une raison, tahiran, à la plus ses règles, ou hamil. Donc ça montre que le hamil, elle n'a pas ses règles. Donc, indahum, le hamil, elle ne peut pas avoir les règles. En se basant sur ce hadith. Et ça, c'est un istidlal qawm. C'est à quoi mène l'istidlal bil ayah. Là, dans l'ayah, tu peux répondre, wa ulatul ahmal ajaluhunna yadha'na hamlahun, même si elles ont les règles, vu qu'elles ont un hukm khas, elles sont enceintes, al-iddal est khas ça pour eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'accouchement. Le hadith, il est. الحقيقة الاستدلال إلى أقوى ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. لكن vous allez voir que le قول الثاني répondront حاملا si elle n'a pas le حيض. لأن on a des autres adilla خاصة qui montrent أن الحيض tu peux pas faire, c'est pas من السنة de la divorce en état de حيض. الحقيقة الخلاف إلى قوي في هذا القول الأول إلى قوي لا شك فيه, خاصة avec حديث أو استدلال حديث ابن عمر. قال فجعل الحلم علما على عدم الحيض. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que tu la divorces pas en état de haïd. Donc, tu peux la divorcer quand elle n'a pas ses règles, tahir, ou quand elle est hamil, elle n'a pas de règles. Qala, kama ja'ala at-tuhr 'alaman 'alayhi, wa ajaba ibn al-Qayyim rahmatullah 'alayhi 'an hadha fa qala ibahat at-talaq idha kana ha'ilan bi shartayn at-tuhr wa 'adam al-masis. Fa ayna fi hadha at-ta'arrud li hukm ad-dam alladhi tara 'ala hamliha? Sahih. Ibn al-Qayyim i'tarad, انتقد هذا القول. Il a démontré ان الحديث ما فيه ان la femme enceinte elle a jamais ses règles. ابدا. لا, il a montré ان الغالب الحامل elle a pas ses règles. Si elle a ses règles, elle a le hukm de l'haïd. مثلا, elle fait pas le salat. Elle fait pas le siyam. Si son mari il a un problème معها, il veut la divorcer, il attend que la période, le cycle de l'haïd, il se termine. هكذا. فلذلك هو ليسون قوي. Donc, résumé le qawl awwal, anna al-ha'id inda jumhur al-ulama, anna ha la tahid. Si y a un sang qui coule, c'est dam fasad, c'est pas al-ha'id. Al-qawl al-thani, idha ra'at al-hamil daman yasluh an yakoun haydan fa huwa hayd. Qawl al-thani, indahum si al-ha'id, al-mar'a, y a du sang qui coule, minha. Khassatan, c'est la même période, matalan, elle a l'habitude d'avoir ses menstrues, matalan, au début de chaque mois. Elle est enceinte, au début du mois, il y a cet écoulement de sang. C'est le même. La même odeur, la même couleur, les mêmes sifat. Fa'indahum, c'est le hayd. Wa huwa qawl Qatada, wa Malik, wa Layth, Layth ibn Sa'd, wa Zuhri, wa huwa sahih min madhhab al-Shafi'iyya, wa huwa ikhtiyar ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa ibn Uthaymin. Et la haqiqa, c'est qawli, il est qawli, kadhalik. Limadha? Lianna, pourquoi il y a la différence entre ce cas et ce cas, alors que c'est le même sang? Et Cheikh Zahid, il cite le dalil al, dalilhum qawluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié ce sang de adha. Fa qu'il soit avant l'haml, ou pendant l'haml, ou après l'haml, indahum, c'est la même chose, c'est le même hukm. Limadha? Lianna l'adha, il est mawjoud. La haqiqa, hadha l'qawli, il est aqwa, wallahu a'lam. Là, tu ne peux pas différencier deux choses semblables. Il l'a vu d'aller. Amma les adillah qu'ils ont cité le qawl awwal, ce n'est pas wadih anna l'hamil n'a pas ses règles. Non. Là, ça montre une mas'ala anna l'hamil, matalan, si elle est enceinte, sa idda, c'est quand elle accouche. Mais ça n'implique pas qu'elle ne tombe pas, elle n'a pas ses règles. Kadhalik anna l'hamil l'a divorcé, fil ghalib, ce divorce, ça ne sera pas un talak bid'i. Un talak bid'i, c'est en état de règles. Lakin, ça ne veut pas dire que Al-Hamil n'a pas ses règles. Là. Ben, si elle a ses règles, Al-Talaq, fi had al-Hal, on attend jusqu'à que la période, le cycle est fini. Allah a'lam al-Qawl al-Thani, il est aqrab, Qawl Sheikh al-Islam, Qawl ibn al-Qayyim, Qawl Sheikh al-Utaymin, Rajaha. Qalu, ay, ashab al-Qawl al-Thani, famata wujida had al-Ada, wujida hukmu. Wa hadith Aisha radiyallahu anha fi al-Sahihayn, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha amrun, katabahu Allah ala banati Adam, wa hadithum kuthi qadra ma kanat. تحبسكي حيضتك يسد الأدلة العامة pour montrer أن لفه من أن يتد حيض si elle a ce أذى ce son et ça englobe toutes les femmes enceintes ou pas enceintes لكن on reprécise أن في الغالب في الغالب la plupart des femmes quand elles sont enceintes il n'y a pas ce son أصلا لكن s'il arrive on regarde est-ce que c'est du son qui est comme le son de حيض si c'est comme le son de حيض على حكم الحائض هذا الصحيح قال فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه ولهم أدلة أخرى ولابن القيم كلام طيب حول هذه المسألة تعلمون أن ابن القيم رحمة الله عليه يتوسع في مثل هذه المسائل هو إذا قوي جدا في هذه المسائل أسكي لسيتي نعم لسيتي لغفرانس تحت الزاد زاد المعاد المجلد الخامس ابن القيم رحمة الله عليه celui qui veut les détails في هذا الخلاف Et Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, fizal ma'ad, il démontre que l'hamil, qad tahid. Pas même nous, alayha, la, fil ghalib la tahid. Lakin, si y a ce sang qui est du sang de haid, elle est haid. Zad al-ma'ad, al-mujallad al-khamis. Page, il a cité hona, 734, page 734. Ka'annahu sayyid tab'at mu'assasat al-risala, c'est le mashhour al-an. Qala, wal-rajih, ay Sheikh Zahid al-an yurajih, qala huwa al-qawl al-thani. Na'am, il a rajah hadha al-qawl. Il y en a, en fait, différencier entre les deux cas semblables. En fait, il faut un délit. Et les adillas qu'ils ont cités, c'est pas واضح أن الحامل لا pas ses règles. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. قال إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة. تمام. Vous avez compris ce كلام؟ On répète. قال إلا أنه يختلف عن الحيض. Il y a une différence avec le حيض الآن. في ماذا؟ في العدة. C'est quoi la différence? الحامل, si elle a ses règles, et une autre femme qui n'est pas حامل, elle a ses règles. Les deux, elles ont leurs règles. لكن une, elle est enceinte, une, elle n'est pas enceinte. Il y a une différence في العدة. C'est quoi? الحامل, sa عدة, ça sera? الحامل, ce sera le وضع. أحسنت. Matalan, si elle lui reste 7 mois d'accouchement, 7 mois, matalan, si elle a été divorcée, elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas se remarier. La boude, elle attend qu'elle accouche. Amma, la femme qui est pas enceinte, fa ma'rouf. Matalan, si elle a le haïd, sa idda et son mari l'a divorcée, sa idda, c'est 3 cycles. Talat hiya. Ah, c'est ça la différence. قال إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل لأنه لا عبرة به في العدة. نعم لا عبرة به. أما si elle est enceinte, نعم العبرة في الحيض. Si elle tombe enceinte, العبرة في الحيض في العدة. C'est l'accouchement. قال لأن الحمل أقوى منه. لأن الحمل أقوى من الدليل واضح. قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سنقلب أولاة الأحمال كلا الحيض أو الحيض. استدلال شيخ ابن عثيمين طيب. قال والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه. وهو أن المرأة إذا استمر الطحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض. خاصة سي سي لا ميم بيريود لو ميم سون لي ميم جور. فلماذا ديفيرونسي؟ لماذا ديفيرونسي افون حمل و بوندون حمل؟ أين الدليل على هذا؟ حقيقة لا دليل واضح. لكن أوغيبيت سو كا إلي قليل جدا. غالب النساء لا تحيض في حال الحمل. قال فإننا نحكم بأنه حيض أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض. تمام. أما سيان يكون موتسون لكن إلي مضطرب. يجا أن جور ثم يسارد دو جور ثم يروفيان ثم سي با كوم لا بيريود دو الحيض مثلا أنا لافي 6-7 جور. سي با كوم لا بيريود habituel. هذا الحال سي با دو حيض. هذا الحال سي أن دم دم فساد في هذا الحال الكونتينيو الصلاة إلى آخره في الصيام لكن تتنظف لا شك. نستفيد من هذا الخلاف أن من علامة الحمل سكبت حيض كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. أي une femme مثلا elle a l'habitude d'avoir ses règles toujours la même période مثلا début de mois chaque mois 5-6 jours le mois d'après elle a pas ses règles فربما la femme cette femme elle est enceinte لأن غالب النساء les femmes qui sont حائض أو qui sont حامل أقصد elles ont pas الحيض. فمن علامة الحمل سكبت الحيض يعني كوبور كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه. الراجح والله تعالى أعلم أن يا aucun empêchement que le حامل à la ses règles. بل si c'est le même sang, la même période, les mêmes صفات, ففي هذا الحال on dit qu'elle est حائض. Et tous les احكام qu'on va voir, ça s'appliquera sur elle. لهذا on a cité cette مسألة au départ. بقي مسألة وهي قول شيخ الفوزان حفظه الله قال ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. Est-ce que les règles al-hayd c'est une durée déterminée 5 jours, 6 jours, 7 jours. Est-ce que ça peut être moins? Est-ce que ça peut être plus? Amma al-an on lit al-aqwal li ala ya khilaf bayna ahli al-ilm min mask al-khitab. Qala mas'ala kam aqall al-hayd wa akthar. Donc c'est quoi le plus petit cycle et le plus grand cycle fi al-hayd? Qala al-qawl al-awwal laysa li aqall al-hayd hadd bil ayyam wa la li akthar. Premier قول, il n'y a pas de limite. Ça peut être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 jours. Tant ce sang, c'est dam al-hayd. Et il coule min al-mar'a, c'est dam al-hayd. Et quand il n'y a pas de limite pour un minimum. Ça peut être 4 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 2 jours, ça peut être 15 jours. قال وهو قول علي بن المديني والأوزاعي قال وهو اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام والشوكاني وابن عثيمين وقال مالك لا حد لأقله كأنه مالك هو يدي يباد لمن مالك من رحمة الله عليه يباد ليميت pour un minimum أما pour un أكثر عنده يا ليميت فالبخومي قول يليميت با طوك يا سدم سحي. قال القول الثاني أقل الحيض يوم وليلة le minimum c'est un jour et une nuit si c'est en dessous d'un jour et une nuit pour eux ولو يا du sang c'est pas الحيض وأكثره 15 le maximum 15 jours, le minimum 1 jour et une nuit. قال وهو قول عطاء والشافعي وأحمد وأبي ثوب. Donc ils ont limité à 1 jour et une nuit pour le minimum et à 15 jours pour le maximum. القول الثالث أقله 3 أيام minimum 3 jours وأكثره 10 أيام وأكثره 10 أيام. نعم minimum 3 jours maximum 10 jours. قال وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف. قال الراجح وهو القول الأول وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره بل متى وجدت الدم أي المرأة فهي حائض ومتى انقطع الدم فهي طاهر. هذا القول الراجع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى on a déjà lu le verset on le répète ويسألونك عن المحيض قل هو أذى et te demande عن الحيض قل هو أذى أي ce sang c'est du adha. قال عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أي pendant cette période de sang. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité un nombre de jours? Là il a cité une illa c'est le sang si elle est موجوده il y a le hukm al-illa ou al-hukm yadour ma'a illatihi on l'avait vu fi al-usul ou fi al-qawa'id fatant qu'il y a ce sang il y a le hukm. قال وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف أي الإمام عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام فيه: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دلس لصلاة أي ستفهم elle était mustahada, elle avait du sang wasil. Elle est partie, elle a demandé au prophète alayhi salatu wasalam, est-ce qu'elle fait salat? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais pas salat pendant la période où tu avais l'habitude d'avoir le hayd. Est-ce qu'il a cité un nombre limité? Là. Qala wa fi riwaya thaniya fa idha aqbalat al hayda fatruki as-salat fiha. Tant que cette période al hayd al ma'ruf, عند المرأة, elle fait pas salat. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a limité 15 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours? Abadan. Donc le qawl sahih c'est هذا. Qawl Cheikh l'Islam de Taymiyyah قبله الأوزاعي والإمام علي بن المديني وغيرهم. قال حفظه الله: فليس في الآية والحديث تحديد لأقل الحيض وأكثره، فالحكم يدور مع وجود مع وجوده وعدمه. تمام. الحكم أي اسكلا فام الحائض أم لا، ça va impliquer beaucoup de choses. Elle ne fait pas salat, elle ne fait pas siyam. Tout ça c'est par rapport à ce sang. Si le sang il est présent, elle est haïd. Si le sang il n'est pas là, il qata. Il y aura des signes que la femme, khalas, elle est pure, elle n'a plus le haïd. Dans ce cas, elle n'est plus haïd. Qala ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, lam yati an Allah, wa la an rasoulihi, wa la an al-sahaba, tahdid aqal al-haïd, bihad abadan. Ibn al-Qayyim, rahmatullah, il dit, il n'y a aucun délit. Les sahaba, ils n'ont jamais démontré un had. Wa khayr al-hadi, hadi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال ولا في القياس ما يقتضي صحيح حتى القياس ما تطابق القياس لا ست مسألة سبورابور أو أذى أو دم il est présent les حائض il est pas présent les plus حائض فالراجح c'est هذا. Est-ce que Cheikh Mohamed il a رجح نفس الشيء؟ أظن إذا رجح هذا. قال Cheikh Mohamed بن حزام مسألة إلى سيت الخلاف كذلك. قال والراجح من هذا من هذه المذاهب قول من قال لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره. نعم سيس الراجح قول شيخ الإسلام ولا لأقل الطهر ولا لأكثره. ça va ensemble. Sur un mois 30 jours tu auras maintenant 10 jours de haid, donc tu auras 20 jours de tohr. Les 10 jours ils peuvent descendre 9 jours de haid, tu auras 21 jours maintenant de tohr si c'est un mois de 30 jours. وهكذا. Donc il n'y a pas de tahdid, c'est par rapport au sang et par rapport il n'y a plus de sang. وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم. تمام. إلى رجوت الشيخ محمد بن إبراهيم لانسيا مفتي رحمة الله عليه. قال والشيخ عبد الرحمن السعدي المفسر والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه كذلك. هنا إلى سيد الشيخ بن عثيمين من المعاصرين. تمام. الشيخ مقبل كذلك إلى على هذا. فسر قول الصحيح. donc la مسألة précédente أن الحيض il a pas des jours précis. أقصد il a pas une limitation 10 jours 9 jours 8 jours. Bardom, ils ont dit 15 jours. Bardom, là, c'est tant qu'il y a le sang, elle est haïd. Il n'y a plus de sang, elle est plus haïd. Mas'alat, si le sang il est wasil, on va voir que c'est plus le haïd, c'est le mustahada. Il y en a le haïd, ça s'arrête. Baqiya mas'alat, à quel âge la femme elle commence à avoir le haïd? Dakaraha, fi fath al-allam, page 385, bab al-haïd. Mas'alat numéro 4. Qala aqallu sin tahidu fihi al-mar'a. À quel âge la femme elle commence à avoir ses haïd? أو البنت لأنها البنت تخجل. ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. La plupart des savants, الجمهور, ils disent أن la femme au minimum elle commence à 9 ans. Ça peut pas être en bas de 9 ans. قال وإن خرج منها شيء قبل التسع فليس بحيض. S'il y a du sang, un écoulement de sang avant 9 ans, pour eux c'est pas le حيض. قال بل هو دم فساد. أي c'est un دم فساد. دم فساد أي c'est pas le حيض. فصا صاب له من حكم كل حيض. قال ولا تثبت له أحكام دم الحيض. كنا سيتي من صيام أو صلاة أو من عدم صيام عدم صلاة وعدم طواف إلى آخره. قال وحجتهم أنه لم يوجد من النساء من حاضت فيما دون هذا السن. قال واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي مرأة. La femme quand elle arrive à 9 ans أو la fille quand elle arrive à 9 ans ça devient une femme. أي على الحيض. لكن عائشة رضي الله عنها لا jamais dit أن avant elle peut pas être une femme ou après لا أو الحيض أقصد لا هذا c'est pas واضح. في الغالب نعم la majorité ou la plupart نعم 9 سنين أو 10 نعم. أما dire que avant il y a pas هذا لا. وذهب الدارمي أي الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقله وهذا القول هو الراجح صحيح. Il n'y a pas de limite. S'il y a le sang, pourquoi différencier? Maintenant, nous avons qadar à 8 ans, 8 ans et demi, cette fille, elle a un sang qui sort, et ce sang, c'est exactement le sang de l'haïd. Les mêmes caractéristiques, même couleur. C'est une période, matalan, il coule pendant 6, 7, 8 jours. Fallima a dire que ce n'est pas le haïd. Est-ce qu'on doit attendre 9 ans بالضبط? Là, هذا يحتاج إلى دليل. قال وهذا القول هو الراجح لعدم وجود دليل على تحديد ذلك وأما أثر عائشة رضي الله عنها فقد ذكره الدارمي أو الترمذي بعد حديث ثم إلى ستان يميقو قال ولم يوقف له على إسناد وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي رحمة الله عليه إن شاء الله demain on continue ذهب الوقت donc cette dernière مسألة qu'on a vu أن la femme أو البنت في الغالب ça commence à 9 ans 10 ans 11 ans ça peut être en dessous إذا خرج الدم et ce dam c'est dam al-hayd fa al haid hada wallahu ta'ala a'lam. Et demain rappelez-moi on lit les catégories de dam. Il y en a un, on sait qu'il y a un dam hayd, il y a un dam fasad, on va souvent employer ces mots. En haqiqa on aurait dû citer au début, lakin inchallah demain on cite hada al-kalam hatta on est à la ayn fi hadi al-mas'ala et on répétera pas à chaque fois. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.